Quel symbole, l'image même de la dictature. Ce visage fermé, toujours désespérément impassible et surtout, ces lunettes noires qui enfermaient le regard et lui interdisaient toute expression. Un visage au garde-à-vous. Comme son propriétaire, le général Wojciech Jaruzelski, dictateur polonais à la retraite, qui, malgré son état de santé chancelant et plusieurs procès, n'en a pas encore fini avec la justice de son pays. Cependant, on sait, depuis Pinochet, que les dictateurs ont une manière bien particulière d'échapper aux poursuites judiciaires. Mais au reste, Jaruzelski est-il vraiment coupable et de quoi? Depuis l'effondrement de l'Empire soviétique, la question fait débat. Le général Jaruzelski, en décrétant la loi martiale en décembre 1981, n'a-t-il pas épargné à la Pologne une intervention de l'armée rouge? Et les Polonais ne devraient-ils pas lui être reconnaissants de leur avoir évité une occupation militaire et étrangère qui aurait été à coup sûr beaucoup plus sanglante que la dictature qu'il a imposée pour juguler l'irrésistible ascension du syndicat Solidarność, Solidarité en français. À moins, bien sûr, que la menace soviétique n'ait été qu'un formidable bluff destiné à justifier la loi martiale. M. X répond à ces questions et à bien d'autres, comme par exemple l'importance réelle de l'action du pape Jean-Paul II tout au long de ces années cruciales pour la Pologne, mais aussi pour le destin de toutes les démocraties populaires. Un détail toutefois, avant d'écouter mon interlocuteur, Jaruzelski, l'homme au visage de cire, ne porte pas des lunettes noires pour se dissimuler, mais pour protéger ses yeux brûlés par la réverbération de la neige de Sibérie lorsque sa famille et lui-même ont été envoyés au goulag au début de la Seconde Guerre mondiale. La Pologne, encore plus que d'autres pays de l'Est, a connu une histoire particulièrement mouvementée. Oui, son territoire n'a cessé d'être l'objet des convoitises de ses voisins. Et qui ont souvent purement et simplement accaparé des pans entiers du pays. Ça a même été si loin que pendant presque 150 ans à partir du troisième tiers du XVIIIe siècle, la Pologne n'a plus existé en tant que nation indépendante. Oui, c'est-à-dire qu'elle a été alors partagée entre la Prusse et la Russie. Hein. Oui, il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles pour que la Pologne renaisse de ses cendres. Mais en 1939, ça recommence. Le pays est alors à nouveau dépecé. Oui, à cause du pacte germano-soviétique. Oui, l'URSS à l'est et le Troisième Reich à l'ouest annexent des portions importantes du pays. Et quand vient la libération et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne se trouve territorialement déplacée vers l'ouest. Et surtout, elle est maintenant partie prenante du glacis soviétique. Et ces bégaiements de l'histoire expliquent sans doute l'une des principales particularités polonaises, le poids de l'Église catholique. La Pologne étant le pays le plus catholique d'Europe. Hein. Et car au milieu de tous ces bouleversements territoriaux et démographiques, l'Église a été un facteur d'unité. Et surtout d'identité nationale et culturelle. Bon, ça, nous en reparlerons. Mm-hmm. Donc, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est communiste. Avec, comme dans les autres démocraties populaires, un régime de parti unique. Le Parti ouvrier unifié polonais, le PUP, selon son acronyme français. C'est en 1956 que la Pologne communiste traverse sa première épreuve. Mais, comme la plupart des autres pays inféodés à Moscou, elle a connu une période de purge. Sous Staline. Dans les années 49-51, oui. Ouais. Une purge qui a principalement affecté le parti. Et comme ailleurs, Staline en a profité pour se débarrasser de quelques dirigeants qu'il jugeait à tort, ou à raison, insuffisamment dociles. Et ça a été le cas de Władysław Gomułka, le secrétaire général du PUP. Bon, je ne sais plus de quoi on l'a accusé, peut-être de droitisme, mais il a surtout payé le fait d'être trop populaire. Ouais. Il a donc été arrêté? Ah oui, il a sauvé sa tête, ce qui n'a pas été le cas de nombreux autres dirigeants communistes de pays de l'Est. En 1956, Gomułka se trouve donc en prison. Alors qu'en URSS même, avec son fameux discours du 20e congrès, Khrouchtchev a déjà donné le signal de la déstalinisation. Au mois de février, oui. Ce qui va forcément donner des idées à tous ceux qui voudraient assouplir le système. En Pologne, mais aussi en Hongrie. En tout cas, ce n'est certainement pas un hasard si Gomułka est libéré de prison en mars 1956. Que voulez-vous dire? Je crois que dès ce moment, on voit en lui un recours au cas où. Où la contestation se manifesterait. Oui, je crois, oui. Mm. Et vous allez voir de quelle façon à Moscou on va se servir de lui et de sa popularité. Mais enfin, n'allons pas trop vite. En même temps, le mécontentement attisé par une situation économique catastrophique et l'espoir de la déstalinisation monte dans le pays. Et en juin, de véritables émeutes éclatent à Poznan. Police et armée y font face avec la plus grande brutalité. On relève plus de 70 morts et je ne sais plus combien de blessés. Ben, Staline n'aurait pas fait mieux. Ouais, mais enfin, rapidement à Varsovie, mais surtout à Moscou, on se rend compte que la répression est allée trop loin. Il faut donc faire très vite marche arrière. Et la solution, c'est Gomulka, c'est en effet, ça. Ouais. Mais il est d'abord prestement réintégré dans les rangs du PUP, le Parti communiste. Et pour les Polonais, là, Gomulka représente-t-il alors un espoir? Incontestablement. Car une dizaine d'années avant le Tchécoslovaque Dubček, il parle d'un socialisme à visage humain. Et surtout, pour flatter le nationalisme de ses compatriotes, il préconise une voie polonaise. Une voie, quoi? Un socialisme à la source polonaise? C'est ça, et ça plaît dans un pays où, pour des raisons historiques, on aborde tout ce qui vient de l'Est. De la Russie. Oui. Donc, la proposition de Gomulka est assez habile, mais ça ne suffit pas encore pour amener le calme. Les Polonais grondent toujours. À Moscou, on est si préoccupé qu'en octobre, Khrouchtchev fait le voyage de Varsovie pour rencontrer ses homologues du PUP. Et déjà, on évoque la possibilité d'une intervention de l'armée rouge. D'ailleurs, il se dit que des troupes soviétiques sont en route vers la frontière. Mais ce n'est pas déraisonnable quand on pense qu'un mois plus tard, les chars soviétiques interviendront réellement à Budapest. Donc, en ce mois d'octobre où la tension est à son comble, les Polonais vivent sous la menace. Et les conversations sont vives entre les dirigeants communistes et Khrouchtchev. Mais soudain, comme par miracle, tout se dénoue. Gomulka, réintégré seulement quelques mois plus tôt, redevient le numéro un du parti. Vous parlez de miracle, mais il a quand même fallu qu'on lâche du lest de part et d'autre. Naturellement. Et toute l'habileté de Gomulka a consisté à mettre sous les teignoirs un certain nombre de réformes réclamées par ses partisans. Ses partisans. Et de l'autre côté, alors? Khrouchtchev a accepté de renoncer à l'intervention militaire. Mais, à mon avis, tout cela était cousu de fil blanc. La partie était jouée d'avance. Le Kremlin a ainsi obtenu le retour au calme et en a profité pour chasser quelques dinosaures du parti. Quant à Gomulka, solidement installé au pouvoir, il ne va avoir rien de plus pressé que d'oublier ses promesses de réforme. On va au contraire observer, après un très relatif radoucissement, un raidissement du régime, accompagné, il faut quand même le souligner, de quelques changements économiques. Le nouveau pouvoir va ainsi remettre en cause la collectivisation de l'agriculture et privilégier les investissements industriels. Une relance de la croissance? Mais une relance qui fera vite long feu. La stagnation économique qui suivra provoquera une nouvelle explosion en 1970. En attendant, il convient de le noter, on assiste à partir de 1968 à une poussée antisémite nettement encouragée par le gouvernement communiste. Ouais. L'antisémitisme qui est aussi une donnée permanente de la vie polonaise. Malheureusement, oui. Et il faut déplorer l'attitude d'une église catholique qui n'a pas fait grand-chose pour l'expurger. On le constate encore aujourd'hui quand on écoute cette radio Maria, ultra-conservatrice, et dirigée par un prêtre. Une radio qui verse souvent dans l'antisémitisme. Hein, oui, bon, mais enfin, passons. En tout cas, cette vague antisémite animée par le ministre de l'Intérieur, le général Mozart, traverse même le parti et balaie quelques militants communistes. Cependant, bien sûr, ce sont d'abord les opposants politiques d'origine juive qui y sont visés. Et c'est à cette époque que 15 000 juifs polonais choisiront de quitter leur pays. C'est vrai. En tout cas, enfin, je note que malgré le durcissement du régime, il existe des opposants. Des gens qu'on retrouvera plus tard à la pointe du mouvement Solidarité et qui sont régulièrement persécutés par le pouvoir. Oui. Mais j'y viens bientôt. Alors, voyons d'abord cette nouvelle explosion populaire de 1970. L'événement déclencheur, c'est l'annonce d'une hausse spectaculaire des prix alimentaires entre 20 et 30%. C'est considérable. La réaction est immédiate. En décembre, la grève éclate au chantier naval de Gdansk, puis la révolte gagne d'autres villes du littoral. Une nouvelle fois, le pouvoir riposte par la force. Gomulka envoie la milice et la troupe. Alors, vous parlez de Gdansk, là-bas. La Jvaleza, ce qui fait déjà partie des contestataires. Ah, exactement, oui. Et c'est à cette occasion que cet électricien fait ses premiers pas en politique. La répression, donc. Officiellement, on compte 36 morts. Mais ils auraient été beaucoup plus nombreux, au moins une centaine. Et puis, il y a les blessés, qui sont des centaines. En outre, naturellement, le pouvoir pratique toute une série d'arrestations. Cependant, l'alerte a été si chaude qu'au sommet, on se décide à reculer. Avec l'aval de Moscou. Il ne pouvait pas en être autrement. Ouais. Même au Kremlin, on était partisans de temporiser. Après la répression du printemps de Prague 2 ans plus tôt, il était quand même difficile de faire à nouveau intervenir l'armée rouge. On a donc choisi une solution interne. Gomulka a été débarqué et remplacé par un certain Edvard Gierek, qui, à peine installé au sommet du pouvoir, donne aussitôt des signaux d'apaisement. Et quoi, par exemple hein? Il commence par annuler la hausse des prix à l'origine du mouvement de protestation. Puis Gierek suspend les mesures de sécurité publique prises par son prédécesseur. Et enfin, il accorde l'immunité aux ouvriers grévistes. Autant de gestes qui vont lui gagner la sympathie de l'opinion polonaise. Mais enfin, c'est pas là le plus important. On vient d'assister pour la première fois dans un pays satellite de l'URSS au succès d'un mouvement de protestation populaire. Un précédent dangereux. Hein. Et en tout cas, la preuve que sous la pression, le système peut évoluer. Parce que ça continue. Après ces événements dramatiques de 1970, l'ouverture se poursuit. Gierek augmente les salaires, prend des mesures en faveur des familles et met fin à l'offensive idéologique contre l'Église. Il invite même à 3 reprises des présidents états-uniens à visiter son pays. Alors, bref, les Polonais se remettent à espérer? Ça pouvait durer qu'un temps, car les réalités économiques n'allaient pas tarder à rattraper Gierek. L'histoire de la Pologne communiste a été jalonnée de conflits entre l'Église et le pouvoir. Une coexistence difficile, parfois marquée par de brèves périodes d'apaisement. Sous Gierek, par exemple, comme l'a souligné M. X. Dans leur ouvrage paru au Seuil, La vie en rouge, Christian Duplan et Vincent Giray analysent la nature profonde de ces relations tumultueuses. L'histoire de l'Église en Pologne prête à toutes les ambiguïtés, à tous les malentendus, à toutes les polémiques. Sa puissance dans la République populaire est éclatante. Elle peut parler au nom de 95% de la population. Et la Pologne est sans conteste le pays le plus catholique de toute l'Europe. Mais cet enracinement populaire et cette assimilation polonais égale catholique doivent être décryptés. Un siècle et demi d'absence de souveraineté a laissé jusqu'à nos jours une empreinte indélébile dans la mentalité nationale. Dans un pays occupé, démantelé, crucifié, disent les poètes polonais, le catholicisme a grandement contribué à sauvegarder le sentiment national à l'époque des partages, entre guillemets, de 1772 à 1918. Le peuple parle, chante, étudie en polonais dans les églises d'un pays rayé de la carte qui a perdu jusqu'à son nom. La mort politique de la nation fait alors de l'Église la seule institution légale en charge de la survie d'une identité, d'une culture et d'un espoir. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Église perpétue ce même rôle dans un régime où l'État-parti dirige tout. Elle seule dispose alors, surtout après 1956, d'une infrastructure protégée et de moyens d'expression, certes soumis à la censure, mais indépendants du pouvoir. Les Polonais s'approprient donc cet espace et recourent souvent à des symboles religieux pour faire entendre leur voix, marquer leurs différences et revendiquer la maîtrise d'un territoire, sans pour autant constituer une armée de fidèles au service du primat et des intérêts exclusifs de l'Église. Les Polonais inventeront d'ailleurs bientôt une nouvelle typologie de catholiques. S'il y a en général des croyants non pratiquants, il y aura aussi en Pologne des pratiquants non croyants. Sous Gierek, le niveau de vie des Polonais a incontestablement augmenté, au moins dans la première moitié de son règne, car dès 1974, les choses commencent à se gâter. Que se passe-t-il? Il y a d'abord une cause extérieure, le choc pétrolier, donc la hausse du prix de l'énergie. Mais il y a surtout l'échec d'une politique économique sclérosée qui supporte mal les cadeaux octroyés dès l'arrivée au pouvoir du successeur de Gomulka. Alors comme en 1970, on assiste à une hausse démesurée des prix des produits alimentaires, jusqu'à 100% pour le sucre. Et en 1976, pour la troisième fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers de travailleurs se mettent en grève. Et la répression suit ? Bah forcément. Non seulement on dénombre 2 morts, mais les contestataires sont pourchassés, parfois arrêtés et jugés. Rien de bien nouveau, donc. Non, hein. Même cause, mêmes effets, et la situation ne fait qu'empirer. Dans les magasins, c'est le retour au fil d'attente et à la pénurie. Et pas seulement pour des denrées alimentaires. La Pologne manque de tout, même des objets de première nécessité, tandis que l'inflation ne cesse de grignoter le niveau de vie des travailleurs. Le climat devient explosif. Et le couvercle de la marmite ne tardera pas à se soulever, c'est évident. D'autant que, bientôt, l'opposition va se structurer. Alors, si vous le voulez bien, voyons cela d'un peu plus près avant de passer à la suite. La première force d'opposition, c'est d'abord l'Église, nous en avons parlé. Mais parfois, pour conserver ses privilèges, elle n'hésite pas à pactiser avec le pouvoir en place. N'est-ce pas au contraire le pouvoir qui a intérêt à pactiser avec l'Église ? Bien sûr, ça joue dans les deux sens. On a beau se regarder en chien de faïence, on vit quand même sous un toit commun. Il faut donc faire des concessions de temps en temps. Et puis l'Église a bénéficié indirectement de la politique nationale communiste des dirigeants polonais. C'est-à-dire ça ? Avant-guerre, la Pologne était beaucoup plus bigarrée. On y trouvait des Allemands, des Biélorusses, des Ukrainiens, et puis bien sûr d'importantes communautés juives. La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences ont tout bouleversé. Les Allemands ont été chassés. Le nouveau tracé des frontières a permis aux Biélorusses et aux Ukrainiens de vivre dans leur patrie naturelle. Et puis quand il fallait, le parti les y a invités très vivement. Quant aux Juifs survivants de la Shoah, on nous a guère encouragés à rester en Pologne, c'est le moins qu'on puisse dire. Le pays a donc été homogénéisé. Et presque uniquement peuplé de bons catholiques. Enfin, c'est là où vous vouliez en venir. Exactement. Alors, en dehors de l'Église, où se situait l'opposition ? Elle surgit dans les années 60-70, essentiellement dans les milieux intellectuels. Le personnage le plus exemplaire était sans doute Jacek Kuron. Un des fondateurs de Solidarité. Hein. Oui, ce vieil étudiant a derrière lui un long compagnonnage avec le Parti communiste. Ce qui ne l'a jamais empêché d'exercer son humour, assez féroce, contre ses camarades du parti. Quoi qu'il en soit, les critiques formulées ouvertement par cet universitaire lui valent d'être jeté en prison dans le milieu des années 60. Une dizaine d'années plus tard, Kuron crée avec quelques autres intellectuels le COR. Ce qui signifie ça ? C'est le comité de défense des ouvriers. COR. Et donc, assez curieusement, ce sont des intellectuels qui veulent défendre les ouvriers. Et parfois, disons-le très net, ça donnera lieu à quelques malentendus et autres incompréhensions. Ce COR, qui se donne pour tâche de faire appel à la solidarité pour s'opposer à la répression exercée contre les ouvriers, est d'emblée soutenu par l'Église. Surtout par l'archevêque de Cracovie, un certain Wojtyla. Le futur Jean-Paul II. Il s'agit donc d'épauler matériellement les ouvriers arrêtés ou licenciés et de s'occuper de leur défense. En tout cas, même s'il est parfois chaotique, c'est cette alliance entre intellectuels et ouvriers qui aboutira un peu plus tard aux accords de Gdansk. Et donc à la naissance de Solidarité. C'est juste. Et dès 1978, le corps pousse à la création d'un premier syndicat libre en Silésie. Silésie, région industrielle. Et ensuite vient le comité fondateur des syndicats libres. On y trouve quelques fortes personnalités, des intellectuels et des ouvriers, qui vont écrire l'histoire de la contestation politique en Pologne. Adam Michnik, par exemple, un ami juif de Kuron, qui a été, je crois, son étudiant à l'université. Michnik, qui a eu aussi sa période communiste, est un provocateur né. Il a ainsi créé le club des chercheurs de contradictions. Un cercle qui sera très vite dissous. C'est assez rigolo. Enfin, j'imagine qu'au parti, on doit bien apprécier ce genre d'humour. Effectivement, c'est plutôt l'esprit de sérieux qui y prévaut. Mais pour Michnik, c'est plus fort que lui. Ce brillant personnage est presque naturellement subversif. Viré de la faculté, il travaille à l'usine et rejoint le corps, comme son ami Kuron. Michnik connaîtra à plusieurs reprises la prison. Autres intellectuels, l'historien catholique Borusevitch, et encore le médiéviste Geremek. Mazowiecki, autant de noms qui nous deviendront familiers quand Solidarité émergera. Et les ouvriers, alors ? Il y a bien sûr la figure emblématique de Lech Walesa, qui sera licencié des chantiers de Gdansk en 1976. Ça, on en reparlera un peu plus tard. J'imagine. Et puis, il faudra aussi évoquer Anna Valentinovitch, une soudeuse, petite femme timide, et elle aussi passée par le Parti communiste, et qui deviendra un peu, malgré elle, la passionnariat de Gdansk. À côté du corps, d'autres mouvements d'opposition voient le jour, tandis que la fièvre monte progressivement en Pologne. Une montée en puissance de la contestation très habilement mise en musique par de nombreuses publications. Oui, mais pas par des publications officielles. Ah, bien sûr que non. Mmh. Ce sont des samizda, comme on dit en URSS, c'est-à-dire des bulletins clandestins dactylographiés et renéotés qui circulent de main en main. Et puis il existe également tout un réseau de communications nourri par l'opposition et qui alimente les correspondants de presse occidentaux et les radios de l'Ouest, Radio Free Europe et la BBC, qui relaient efficacement ces informations. Et puis, il y a quand même l'élection de Jean-Paul II. En 1978, oui, un événement considérable. Le premier pape slave. Et pour Moscou, pardonnez-moi l'expression, c'est un vrai coup dur, car l'installation de Jean-Paul II sur le trône pontifical soulève un enthousiasme inimaginable en Pologne. Même le gouvernement communiste, malgré son inquiétude, est obligé de féliciter ce fils de la nation polonaise. Et l'on voit de nombreux militants du PUP célébrer cette élection. C'est même l'occasion de faire circuler quelques blagues telles que celles qu'on appréciait dans cette Europe de l'Est muselée par le système. Une façon d'évacuer la peur ou simplement d'oublier la grisaille ambiante. Oui. Alors celle-ci, par exemple. Sur la place Saint-Pierre, on aurait ainsi vu tout de suite, après la fumée blanche qui annonçait l'élection du pape, des vapeurs rouges. C'était Jean-Paul II qui brûlait sa carte du parti. Plus sérieusement, l'accession d'un pape polonais sur le trône de Saint-Pierre allait avoir des conséquences très importantes. Et d'abord parce que le nouveau souverain pontife n'entendait nullement oublier sa patrie. Jacek couronne l'une des grandes figures de la contestation du régime communiste polonais, est mort en juin 2004. À l'occasion de son décès, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann lui a consacré un portrait. Elle évoque d'abord ce jour d'août 1984 où Couronne et son compère Michnik, à peine libérés de prison, s'adressent à la presse. Ce qu'ils avaient à dire était simple, direct et courageux. Comme Andrei Sakharov à sa descente du train qui 2 ans et demi plus tard le ramènerait de son exil de Gorki à Moscou, Jacek Couronne était de ces combattants de la liberté qui ne s'avouait jamais vaincu. Certes, après près de 3 ans d'isolement, il avait d'abord besoin de voir dans quel pays il vivait, avant d'avancer une analyse politique. Mais pour tous ceux qui étaient là, le message énoncé de sa voix rauque, inimitable, était clair. Michnik et lui continueraient. La prison, il l'avait beaucoup fréquentée, une dizaine d'années au total, et elle ne l'avait jamais brisée. Quelques jours plus tard, pour confirmer leurs intentions, Couronne et Michnik, les deux mécréants, se tenaient au premier rang d'une messe offerte aux prisonniers libérés par le père Jerzy Populesko, qui paierait quelques mois plus tard de sa vie son opposition au régime. Le communisme, Jacek Couronne le combattait d'autant mieux qu'il le connaissait de l'intérieur, étudiant. En 2e année d'histoire, il est exclu une première fois des jeunesses socialistes polonaises et de l'université au début des années 1954, à l'époque stalinienne, pour avoir affirmé que les avions américains étaient plus rapides que les avions soviétiques. À 30 ans, en 1964, il est de nouveau exclu, cette fois du Parti unifié ouvrier polonais, pour avoir signé avec l'historien Karol Modzelewski une critique de fond exhaustive du système à partir d'une position marxiste qu'ils ont fait circuler dans les milieux universitaires. Il la transforme en lettre ouverte au parti, qui deviendra un point charnière dans l'évolution des rapports entre le pouvoir et son opposition. Elle leur vaudra aussi, en 1965, une condamnation à 3 ans de prison. Jacek Couronne est de nouveau au rendez-vous pour un autre tournant de l'histoire du communisme polonais lorsqu'en 1976, il fonde avec d'autres opposants le COR, Comité de défense des ouvriers. Embryon de l'opposition démocratique au régime, le COR sera l'origine de la création, en août 80, du premier syndicat libre du monde communiste, Solidarité, à laquelle Jacek Couronne et son ancien étudiant Adam Michnik, devenus les bêtes noires des durs de l'appareil officiel, contribuent activement aux côtés du petit électricien de Gdansk, Lech Walesa. Au Kremlin, la préoccupation est d'autant plus grande que le parti communiste polonais, le PUP, est soupçonné depuis longtemps d'avoir trop souvent manqué de fermeté vis-à-vis de l'Église. Mais avec l'élection de Jean-Paul II, ça risquait de s'aggraver. Un pape qui très vite montre qu'il compte bien s'occuper des affaires internationales. Mais un pape politique. Hein. Mais autant dire qu'à Moscou, on grimace. Surtout quand Jean-Paul II déclare avec force que l'Église du silence n'existe plus puisqu'elle parle désormais par sa voix. Et ça sonne ça comme un avertissement. Même une menace. Jean-Paul II ne tarde pas d'ailleurs à passer aux actes en annonçant sa volonté de se rendre au plus vite dans sa patrie. Une décision que, malgré l'hostilité de Brejnev, le Parti communiste n'ose pas contrecarrer. Le résultat, vous le connaissez, c'est un voyage triomphal en juin 1979, suivi par des centaines de milliers de Polonais. Et si certaines zones sensibles ont été interdites au souverain pontife, la Silésie en particulier, les gens de ces régions sont venus à lui grâce à des moyens de transport mis en place par l'épiscopat. Donc un échec pour le pouvoir. Oui, à tel point que certains dirigeants communistes se sont mis à penser que l'Église avait déjà gagné. Alors, bien sûr, le KGB n'est pas resté passif et a mis en place un certain nombre de mesures actives. Oui, des mesures de désinformation. C'est ça, oui. Et la centrale soviétique pouvait compter sur un certain nombre de proches du pape qui l'avaient suivi à Rome. Et des agents doubles, en somme ? Aucune de ces initiatives n'a débouché sur quelque chose de sérieux. La popularité de Jean-Paul II emportait tout sur son passage. A contrario, j'imagine que les services secrets de l'Ouest ont dû essayer d'exploiter la situation. Hein? Forcément. Mais c'est surtout après l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche que se noueront des relations très étroites entre le Vatican et les services occidentaux. Donc, en 1981, alors que la Pologne traversera une des périodes les plus agitées de son histoire. Hein? Et on a même prétendu qu'il aurait alors existé un pacte secret entre Reagan et Jean-Paul II. Enfin, je vous le promets, je n'éluderai pas la question. Non, mais... En attendant, voyons justement ce qui se passe en Pologne après le voyage papal. Incontestablement, ce séjour de 9 jours a revigoré l'opposition. Et tous les Polonais ont encore dans les oreilles cette forte phrase du pape. Il ne peut y avoir d'Europe juste sans indépendance de la Pologne. Un véritable coup de fouet, là, pour l'opposition. Et la naissance d'un sentiment de liberté. Les Polonais ont alors le sentiment que le monde entier les regarde et n'ont plus peur de s'exprimer. En même temps, cristallisant le mécontentement populaire, de nouvelles hausses de prix interviennent. On observe alors un peu partout dans le pays l'éclosion de grèves spontanées. Mais le corps veille. L'opposition. Hein. Absolument, oui. Il n'est plus question de se livrer à des mouvements irréfléchis qui déclenchent automatiquement la répression. Il faut bien au contraire s'organiser, offrir un front uni. Et surtout, la contestation doit procéder d'un choix démocratique. C'est-à-dire ? Le corps demande aux ouvriers grévistes d'élire des représentants qui pourront diriger l'action et proposer en toute légitimité des négociations aux autorités. Mais en Pologne, il existe déjà des syndicats. Des syndicats officiels, oui. Donc assez peu représentatifs et qui sont impuissants à accompagner le mouvement de contestation. Il y a le jugulé, hein ? Naturellement. Et dans la première moitié de l'année 1980, une bonne centaine d'établissements industriels de première importance sont paralysés par la grève. C'est alors qu'à la mi-août, un autre événement met le feu aux poudres. Quoi ? Le licenciement au chantier Lénine de Gdansk de cette ouvrière dont je vous ai parlé. Anna... Valentinovitch, oui. Oui, son éviction provoque une véritable tempête. Immédiatement, les ouvriers des chantiers se mettent en grève. Et c'est là où Valéza va jouer une partie importante. Hein. Valéza lui-même, licencié des années plus tôt, et qui, cornaqué par les intellectuels du corps, va s'affirmer comme un leader ouvrier incontournable. À cause de son charisme ? Oui, Valéza n'est pas théoricien, mais il parle avec ses tripes. Un langage simple que tous ses camarades peuvent aussitôt comprendre. Et qui les galvanise. C'est certain. Valéza est un meneur d'hommes qui s'est formé dans l'action. Alors, concrètement, que se passe-t-il ? Le mouvement s'est étendu à d'autres chantiers qui ont cessé le travail par solidarité. On voit aussi la création d'un comité inter-entreprise qui, chose inimaginable, réclame le droit de fonder un syndicat indépendant du parti et de l'État. Comment réagit le pouvoir ? Le numéro 1, un Polonais, Edward Gierek, est revenu précipitamment de vacances et fustige à la télévision les ennemis de la Pologne populaire. Mais il doit reconnaître son impuissance. Et face à un mouvement d'une telle ampleur, le recours à la force devient difficile. Sinon impossible. Il est décidé d'user de modération. Mesure répressive symbolique. La coupure des communications entre Dante et le reste du monde est abandonnée. Au bout de 3 jours de grève, la direction des chantiers cède et accorde des augmentations salariales et la réintégration des ouvriers licenciés. Balzac commet alors un de ses premiers faux pas. Estimant avoir obtenu satisfaction, il appelle les ouvriers du chantier Lénine à la reprise du travail. Mais les travailleurs des autres chantiers ne l'entendent pas ainsi. Ayant choisi la grève par solidarité, ils comptent bien poursuivre le mouvement. Ah oui, effectivement. Et réaction de Lèche-Valézard ? Il comprend immédiatement son erreur et fait volte-face. Il devient même le leader du comité inter-entreprise qui va bientôt regrouper les représentants de plus de 600 établissements industriels. Mais Valézard n'est désormais plus un électron libre. Derrière lui, il a deux conseillers, deux intellectuels. Mazowiecki et Guéremec. Certes, ils sont étrangers au monde ouvrier, mais ils ont tous les deux l'immense avantage d'avoir été des membres du Parti communiste, un parti dont ils connaissent particulièrement bien les arcanes. Ah, et qui peuvent donc conseiller utilement Valézard. Ah, car bientôt, 9 jours seulement après le début du mouvement, le gouvernement se décide à ouvrir de vraies négociations avec les grévistes, et donc avec le comité inter-entreprise. C'est donc alors très important. C'est donc une sorte de reconnaissance pour cet organisme qui n'a pourtant aucune existence officielle ou légale. Hein. Oui, en soi, c'est déjà une victoire. Alors on voit débarquer à Gdansk que le vice-premier ministre Jagielski à la tête d'une importante délégation. Il va en sortir, mais enfin nous verrons ça plus précisément la semaine prochaine, car j'ai l'impression d'avoir été très long. Ce qui restera dans l'histoire, comme les accords de Gdansk, des acquis exceptionnels dans un pays communiste et le début d'une période de 500 jours où les Polonais auront l'impression, à tort, d'avoir conquis la liberté. Ouais, mais il y aura ensuite la reprise en main opérée par le général Jaruzelski. Hein. Et la mise en place de la loi martiale en décembre 1981. Un brusque retour dans la nuit la plus noire. Mais cette histoire n'est peut-être pas aussi limpide qu'elle y paraît. Et nous le verrons. Des hommes de l'ombre y ont joué un rôle secret. Pour terminer, un portrait de Lèche Valéza tel qu'il est esquissé par Jean-Yves Potel, auteur de « Scènes de grève en Pologne » réédité en 2006 par les éditions Noir sur Blanc. Président du MKS, le comité inter-entreprise, Lèche Valéza est le porte-parole de grévistes parfaitement conscients et responsables de leur lutte. Il doit son rôle à cette démocratie. Ses talents d'orateur et son itinéraire depuis les grèves de 1970 en ont fait la voix naturelle de ces hommes et de ces femmes. Ouvrier comme eux, il le reste, quel que soit le ministre qui lui adresse la parole. Il parle leur langage. Il faut avoir vu ce petit homme débonnaire rire avec la foule massée à la porte du chantier. Non pas la haranguer, mais lui parler comme ça, simplement, de choses et d'autres. Il trouve toujours les bons mots au bon moment. Il sait remettre en place un ministre insolent ou visqueux. Quand on lui chante le traditionnel qu'il vive 100 ans, quand on le porte à travers le chantier, on s'acclame soi-même, on le remercie d'avoir fait les choses comme on voulait qu'elles soient faites. S'il se trompe, s'il fait une proposition erronée, on ne se gêne pas pour le contredire, pour défendre une opinion contraire. On vote, et s'il est minoritaire, il se plie à la démocratie, tout simplement.